Nous sommes dimanche le 9 novembre, le 9 janvier 2022. Le journal de cette journée, tout d'abord les titres. Les habitants de la ville de Gitega réclament l'intervention de l'État pour boucher le ravin qui menace leur maison. Vous allez le suivre dans ce journal. Et dans la province de Ouanza, on nous parle des justiciables qui officient les mesures prises par les cours et tribunaux, surtout en ce qui concerne les conflits fonciers. Et en page chronique nutrition, nous allons vous parler des bienfaits de la viande qui est riche en eau. Jean-Paul Neza va nous donner les détails dans ce journal. Albin Douaya sur la mise en onde et la présentation, vous êtes avec Jean-Marie Mayonga. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les habitants de la ville de Changuzo déplorent la saleté de l'eau de la régie des eaux coulant des robinets pendant la saison des pluies et cela depuis environ un an. Ils affirment qu'ils n'osent pas l'utiliser pour la lessive, expliquant qu'elle contient de la boue. Par conséquent, il y a ceux qui ont opté pour puiser de l'eau dans les fontaines qu'ils vendent. Ferdinand Birahani, conseiller du gouverneur chargé du développement à Changuzo, reconnaît cette situation déjà soumise à la régie des eaux. Au niveau de la régie des eaux, le rassure ses citadins que les études pour résoudre ce problème commencent la semaine prochaine. Erinibel Nibigir. Ce problème date d'il y a entre 3 et 4 ans, selon les lamentations des citadins de Changuzo. Il y a de la boue pendant la saison sèche, en cas surtout de fortes pluies. Cela s'observe pendant la saison de pluie, où l'eau est pleine de boue. Mais pendant la saison sèche, l'eau est propre. Cet habitant dit que les citadins puissent de l'eau à boire dans des fontaines. De plus encore, on ne peut même pas l'utiliser pour la lessive, suite à son état, ajoute-t-il. La plupart viennent avec des bidons de 5 litres pour puiser de l'eau à boire, même ceux qui détiennent des robinets, car dans cette ville, des gens intelligents ne peuvent pas boire sur cette eau de la régie des eaux, car elle est souillée. Parfois, on ouvre le robinet et l'on est surpris par de la boue totalement. Cette situation a poussé certains à faire le commerce de l'eau qu'ils puisent dans des fontaines. Ce conducteur de vélo est l'un d'entre eux. Pendant la saison sèche, on vend en 500 francs boue le bidon. Et pendant la saison de pluie, c'est 300 ou 400 francs boue, c'est ça le tarif. Ce problème est connu au niveau du cabinet du gouverneur de Changuzo. Ferdinand Birahani, conseiller du gouverneur chargé du développement, indique que la question a été déjà soumise à la régie des eaux. Nous espérons avoir de l'eau pure à travers d'autres sources, à travers la direction de l'eau, où on est en train donc de voir comment réhabiliter cette source. Ces citadins de Changuzo demandent au service de la régie des eaux de résoudre cette question. La rédaction de la radio Isanganiro a contacté la régie des eaux sur cette question. Docteur ingénieur major Albert Manigomba, directeur général de cette entreprise, fait savoir que dès la semaine prochaine, des techniciens seront envoyés sur terrain pour des études allant dans le sens de résoudre ce problème d'eau sale coulant des robinets dans la ville de Changuzo. Merci à toi, Eli Nibigira. L'étude de faisabilité de réhabilitation et modernisation des réseaux électriques de la ville de Bujumbura est disponible. Ce sont les propos du ministre ayant l'énergie dans ses attributions ce jeudi lors de la présentation des réalisations du premier semestre et de l'exercice budgétaire 2021-2022. Ibrahim Ouizeye a tenu à préciser que les travaux de construction du projet Gigawatt Global Burundi sont déjà terminés. Je vous propose de le suivre. Et réhabilitation et modernisation du réseau électrique de Bujumbura. Donc, l'étude de faisabilité est disponible et les thèmes de référence pour recrutement d'un consultant qui va faire les études d'impact environnemental est déjà envoyé à la Banque mondiale pour demande de la non-objection. Projet de densification de la ville de Bujumbura. Là, toutes les études sont disponibles et on est à la recherche des fonds pour sa mise en œuvre. Il y a 85% des travaux sont réalisés pour les nouveaux réseaux électriques à moyenne tension et basse tension pour électrifier les localités Kiyang et Buterere. Et 100% du matériel déjà acheté pour réaliser les extensions des réseaux électriques à moyenne tension et basse tension des localités de Busoro et Karama. 94% du matériel BT, basse tension, déjà réalisé, et 100% du matériel moyenne tension sont déjà utilisés pour réaliser les nouveaux réseaux électriques à moyenne tension et basse tension de la localité d'Okibembe et Ruziba. Matériel en cours de livraison pour réaliser les nouveaux réseaux électriques de la localité de Tenga, Bugogade, Karirade et Troa, ainsi que Kavanga. Parallèlement, il y a eu signature du contrat pour la fourniture de 55 000 compteurs en électricité. Le projet Gigawatt Global Burundi, en partenariat public et privé, les travaux sont déjà terminés. La construction de la centrale hydroélectrique Rusumo Foss, qui va nous donner 80 MW, que nous allons partager avec la Tanzanie et le Rwanda. Et là, les travaux de construction du barrage avancent très bien. On est à 84% du taux d'exécution des travaux du barrage. La construction de la centrale hydroélectrique Ruzizi 3. On est à la phase de mobilisation des financements auprès des partenaires au développement. Et je crois que ça va prendre fin novembre 2022. Et comme ça, on va entamer à la construction de cette centrale. Le journal continue à Radio Isanganiro. Les habitants de la ville de Gitega, dont les maisons se situent tout près du ravin, le réclament l'intervention de l'État pour les boucher, du moment que ces ravins sont trop grands pour être bouchés lors des travaux communautaires. Le chef de zone urbaine les tranquillise, disant qu'une plateforme provinciale de la protection civile est à l'œuvre pour étudier comment les boucher. Le point avec Gérald Nibigir. Dans certains quartiers de la ville de Gitega, il s'observe des ravins de taille variable, certains étant grands, d'autres étant moins grands. Ces quartiers sont le quartier Nyamugari, le quartier Chatanya, le quartier Nyabiharage, le quartier Magarama et le quartier Ntubwe Nyabisindu. Les personnes vivant à côté et dans les environs de ces ravins ont peur qu'un jour leur maison sera détruite suite à l'agrandissement progressif de ces ravins. Elles précisent qu'elles ont assisté à leur naissance dans les années 2000 suite aux eaux de ruissellement. Et comme rien n'a été fait pour empêcher leur agrandissement, ils ont fini par atteindre des dimensions importantes jusqu'à menacer les maisons des environs. Certaines de ces maisons commencent d'ailleurs à s'écrouler, surtout à l'ancien qui m'a venu du quartier Nyamugari, où une partie d'une maison s'est déjà effondrée. Ces personnes avouent qu'elles ne peuvent pas boucher ces ravins lors des travaux communautaires, d'où elles réclament l'intervention de l'État. C'est tout que Gitega est devenue capitale politique et devrait donc se caractériser par une beauté et une propreté exemplaires. À propos, le chef de zone Gitega Eben Butoye Hussein tranquillise quand il affirme qu'il est déjà mis en place une plateforme provinciale de la protection civile qui a déjà inventorié tous les ravins situés dans la ville de Gitega. Il ajoute que cette plateforme est en train d'étudier comment boucher ces ravins qu'il juge de danger public. Sachez qu'un grand ravin qui était situé au bout de la 4e avenue du quartier Nyamugari a récemment été bouché par les services et habilités de l'État, chose qui a beaucoup satisfait les habitants de cette avenue. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice à 13h passées de 5 minutes, il s'observait ces derniers jours dans la province de Ubanza des justiciables qui officient les mesures prises par les cours et tribunaux, surtout en ce qui concerne les conflits fonciers. Les habitants de cette province demandent aux responsables judiciaires de suivre de près cette situation qui peut même perturber la sécurité dans les communautés. Le procureur de cette province explique que le comportement de rébellion est sanctionné par la loi. Et l'organisation Berina a apprécié l'initiative de chef de l'État selon laquelle seuls les prisonniers accusés de criminalité soient incarcérés. Venus Temuyabaga, représentant de cette organisation, souhaite qu'il y ait un système d'informatisation dans le classement des dossiers des prisonniers pour faciliter le travail. Suivez Venus Temuyabaga. Nous avons beaucoup apprécié le discours du président de la République lorsqu'il annonçait que désormais, seuls les prisonniers accusés d'assassinat d'atteinte à la vie des personnes seront emprisonnés du moment où les autres crimes d'infractions mineures doivent être libérés pour que les dossiers avancent étant libres. Nous apprécions beaucoup parce que cela aura plusieurs impacts économiques, sociaux, parce que lorsque on parlait souvent de désengorgement des prisons, cela était causé par la surpopulation dans les prisons. Maintenant alors, avec l'application de cette mesure-là, de cette annonce, Nous pensons et nous croyons que les prisons vont être désengorgées véritablement parce que maintenant, si, même si nous ne disposons pas des calculs au complet, nous pensons que cette catégorie de personnes, de prisonniers qui vont être libérés, tournerait autour de 55-60% des prisonniers. Donc nous encourageons et nous sommes vraiment très satisfaits de cette mesure. Seulement, nous invitons, comme le président de la République l'a aussi dit, nous invitons à tous les magistrats concernés de tout faire pour que cette mesure soit en application. Je pense que c'est une question d'informatisation, c'est une question de tenue de fiches de prisonniers. Les responsables pénitentiaires devraient arranger les dossiers de telle manière à ce que lorsqu'une mesure est prise, on voit directement les concernés et on les trouve très facilement, on les identifie très facilement pour faciliter la mise en application. Le journal continue en donnant dans la province de Karoussi où il s'observe une pénurie de denrées alimentaires au marché du chevalier de la province Karoussi et à Ouiga. Cette situation inquiète plus dans que l'autorité communale vient de sortir un communiqué relatif disant que pour prévenir, Bachibaseme et Terrence demandent des sanctions sévères pour les personnes qui empêchent les cultivateurs d'acheminer eux-mêmes leurs récoltes au marché. Karaloumier depuis Karoussi. Arrivé au marché du chef-lieu de la province Karoussi et au marché de Ouiga, on ne trouve plus de denrées alimentaires en suffisance, et surtout celles des cultures vivrières. Suite à cette pénurie, certaines gens ont adopté un commerce ambulant de ces produits. Ces denrées sont vendues actuellement sur balance, alors que les consommateurs avaient l'habitude de les acheter en gros, soit sur panier, soit sur le bassin ou sur le régime. Le kilogramme de bananes s'achète ainsi actuellement entre 800 francs et 1000 francs, et le kilogramme de patates douces entre 400 et 500 francs, celui de pommes de terre 1000 francs et le riz cultivé dans les différents marais de la province Karoussi s'achète actuellement à 2300 francs alors que le prix était à 1400 francs. Certains fonctionnaires et commerçants disent être obligés de se rendre les chercher à Gitega malgré le ticket de transport qui s'ajoute. Ces lamentations des consommateurs de Karoussi et de Ouiga sont aussi comprises par les autorités communales. L'administrateur de la commune de Ouiga vient de sortir au cours de cette même semaine un communiqué relatif. Dans son communiqué, Terence Bachebaseme dit qu'il s'avère actuellement nécessaire de prévenir pour la protection de la population et de la récolte des cultivateurs. Il dit qu'il avertit, pour la dernière fois, déplore-t-il, les personnes qui sillonnent les collines et les chemins pour aller acheter à bas prix les récoltes de la population et les acheminer au marché. Il dit qu'il avertit aussi les personnes qui se rendent dans les collines acheter les cultures sur pied dans les champs, mais aussi les personnes qui se donnent le droit d'acheter les champs de culture afin de récolter elles-mêmes. L'administrateur communique qu'il faut sévèrement sanctionner de telles personnes qui empêchent le cultivateur d'acheminer lui-même sa récolte au marché. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Karaloumié pour Radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Dans la chronique nutrition, nous revenons sur la viande qui est un bon aliment très riche en eau. Jean-Paul Ouizeye, chercheur nutritionniste, explique que malgré tout, la viande possède un cholestérol et dit RDL qui est nuisible à la santé. Il appelle aux consommateurs d'accompagner la viande par des légumes pour mieux gérer le cholestérol. Le point avec Omer Ndouaïou. La viande est riche en différentes vertus, dont les protéines. Jean-Paul Uineza, chercheur nutritionniste, explique qu'à part des protéines, la viande est composée de l'eau en grande quantité. La viande est donc une chair d'un mammifère, des oiseaux, des moutons, chèvres, ainsi de suite. La viande nous apporte quelques nutriments essentiels tels que la protéine, les sels minéraux comme le fer, les vitamines, surtout les vitamines du groupe B. Les protéines au fait apportées par la viande est élevée qu'une quantité minime que l'organisme peut se procurer. La viande aussi contient de la myoglobine qui donne à la viande sa couleur rouge, d'où on l'appelle la viande rouge, c'est-à-dire la viande du mouton, la viande de vache, la viande de chèvre, ainsi de suite. Et en termes de pourcentage, protéines de la viande est égale à 18,5%. La viande aussi contient beaucoup d'eau. à 55%. Aussi, la viande contient des lipides, 3%, et substance azoténoprotéique, 1,5%, glucides, 1%, et les minéraux, 1%. Le cholestérol RDR que possède la viande est très néfaste à la santé, signale le chercheur. La viande permet à l'organisme de se constituer, surtout la protéine que la viande contient, apporte à l'organisme des pouvoirs quand même importants. La viande contient d'autres choses qui peuvent donner des effets néfastes à notre organisme. Nous pouvons citer de la graisse saturée que la viande contient. Lorsqu'ils sont à trop grande quantité dans notre organisme, il sera alors inévitable. En fait, il sera néfaste. Une fois le cholestérol LDL se lance, il faut noter que les effets sont les plus néfaste. C'est le taux de cholestérol élevé qui entraîne les troubles cardio-vasculaires. Par contre, les graisses en provenance des végétaux, en provenance des graines, en provenance des fruits n'occasionnent aucune chose néfaste. C'est un bon cholestérol qu'on appelle HDL. Jean-Paul Huineza ajoute que ce cholestérol peut également nuire l'appareil digestif du consommateur. Le cholestérol LDL, une fois très élevé, peut quand même abîmer les artères. Ça peut obstruer au niveau des artères. Vous allez les trouver quelquefois à s'attacher au niveau de la lumière des artères ou via des veines, qu'on appelle plaques d'athérome, qui peut occasionner des problèmes cardiovasculaires, les angines de poitrine et aussi l'infarctus du myocarde, au fait les maladies du cœur. Lors de la consommation de la viande, vous allez constater le surpoids chez les hommes et aussi ça peut être une grande source de beaucoup de maladies, surtout le cancer, parce que manger trop de la viande, trop fruité ou grillé augmente le risque de contracter le cancer. C'est à cause de la benzopyrène qui se forme lors de la fumée d'huile, c'est-à-dire quand l'huile est très réchauffée, sa fumée est composée par de la benzopyrène et d'autres choses néfastes à l'organisme. Une fois la viande arrivée à notre organisme, c'est dans le tube digestif, il stagne et vous allez constater que la putréfaction au niveau du tube digestif se produisent, les gaz intestinaux et d'autres choses néfastes qui peuvent continuer à nuire votre santé. Vous allez comprendre que la viande n'est pas un aliment qu'il faut manger tous les jours. La cuisson à haute température de la viande peut occasionner des cancers chez le consommateur, comme l'explique le chercheur. La cuisson à haute température ou en col, une cuisson trop longue peut produire des substances cancérigènes appelées hydrocarbyles aromatiques et hétérocycliques. C'est-à-dire, plus la viande est bine et carbonisée, et plus la formation des composés en hydrocarbyle aromatique et hétérocyclique. Le haricot, le petit pois, le soja et d'autres légumineuses peuvent être de bons remplaçants de la viande. Jean-Paul Huineza conseille d'accompagner la viande par des légumes pour une bonne gestion du cholestérol. Merci à toi, Omer Ndouayo, et votre invité, Jean-Paul Huineza. Et bien voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde et Jean-Marie Mayongati à la présentation. Au revoir.